non sur la coffre. Non, non, c'est pas la paire. L'avocat, 1 euro la paire. Il est beau, madame. Hein. Deux. Allez-y, monsieur Dabron, ce soir. Madame, vous voulez manger quoi, madame, les avocats? Je vais pas les ramener. 4, 5 euros. Alors, presse française. Je vais pas les ramener. Je vais pas les ramener. Je vais C'est bon madame, il n'y a pas de soucis ma soeur. Regarde les prix de ça, regarde les prix de ça. Tiens, achète 2,77. 2,77. Bonjour madame. Allez, tout le monde est ici, monsieur. Je vais contrôler le bon accroyé avant de se faire. Merci beaucoup madame. 4,49. Merci madame, passez excellent. Tiens, prends le concombre, juste Jeannot. Faites le tour du marché, si vous trouvez ce prix-là, j'arrête. Hein. J'en mets 2, 5 euros là. 5 minutes. Allez. Merci. Hein. Allez, 2. Vous en voulez, vous toi? Tu sais combien ça coûte? Ça coûte 4,80 ou là. J'en mets 2, 5 euros, ma soeur. Pour vite, là. C'est pas tous les jours d'Aïd. Hein. C'est fini, hein. Pour l'Aïd, c'est fini, hein. J'ai 2 melons, 3 avocats. Alors, 6 euros, madame. C'est juste un micro. On va chanter alors. Deux melons. Trois avocats. Trois avocats. Et combien les avocats? C'est les 2, 3 euros. Quand t'en as 3, c'est... Ah non, j'en ai mis 2. 15, 19, 15. 3, 2 euros. Oui. J'ai compté 4,50. Ah ouais. C'est comme si tu avais pris 1,50 ouais, à 50. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ah, oui, tu m'as... Il manque 10 centimes. C'est pas combien, madame? Tu vois pas. Ouais. Tiens, j'ai prêté mes billets. Merci, madame. Oh, bien, souriez-vous comme ça, messieurs, dames. Bien, bien. Dis-lui qu'il y a le poulet halal. Hein? Dis-lui qu'il y a le poulet halal. Pourquoi? Ça va vite. Faut faire de la pub, non? Non, pas du tout. Bien sûr, surtout du bon poulet. Il faut faire de la pub. Non, pas faire de la pub, que les gens viennent. Halal, comme ça, ça fait des pubs. Non, non, non, non, non, non, oulala. Si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, Fais gaffe, hein, je t'appelle lui, hein. Va t'éclater, lui, hein. Il est algérien. Qui? Lui. Ouais, bah, comme moi. Il est algérien.